Chapitre 60e, où l'orage a passé. Il en est des orages humains comme des ouragans célestes. Le ciel se couvre, l'éclair luit, le tonnerre gronde, la terre semble vacillante sur son axe. Il y a un moment de paroxysme terrible où l'on croit à l'anéantissement des hommes et des choses, où chacun tremble, frémit, lève les mains au Seigneur comme vers la seule bonté, comme vers l'unique miséricorde. Puis, peu à peu, le calme se fait, la nuit se dissipe, le jour revient, le soleil renaît, les fleurs se rouvrent, les arbres se redressent, les hommes vont à leurs affaires, à leurs plaisirs, à leurs amours. La vie rit et chante sur le bord des chemins et au seuil des portes, et on ne s'inquiète pas du désert partiel qui s'est fait là où le tonnerre est tombé. Il en fut de même pour la ferme. Toute la nuit, il y eut sans doute un orage terrible dans le cœur de cet homme qui avait résolu et mis à exécution son projet de vengeance. Quand il s'aperçut de la fuite de sa fille, quand il chercha en vain dans l'ombre la trace de ses pas, lorsqu'il l'appela d'abord avec la voix de la colère, puis avec celle de la supplication, puis avec celle du désespoir, et qu'à aucune de ses voix elle ne répondit, il se brisa certainement quelque chose de vital dans cette puissante organisation. Mais enfin, quant à cet orage de cris et de menaces, qui avait eu son éclair et sa foudre comme un orage céleste, eut succédé le silence de l'épuisement. Quand les chiens, n'ayant plus de cause de trouble, eurent cessé de hurler, quand une pluie, mêlée de grêle, eut effacé une trace de sang, qui, pareille à une ceinture à moitié dénouée, entourait tout un côté de la ferme, quand le temps, cet insensible et muet témoin de tout ce qui s'accomplit si bas, eut secoué dans l'air sur les ailes frissonnantes du bronze les dernières heures de la nuit, les choses reprirent leur cours habituel. La porte cochère cria sur ses gonds rouillés, les journaliers en sortirent, les uns pour aller à la semence, les autres pour aller à la herse, les autres pour aller à la charrue. Puis Billot parut à son tour, croisant la plaine dans tous les sens. Puis enfin, le jour vint, le reste du village s'éveilla, et quelques-uns, qui avaient moins bien dormi que les autres, dirent d'un air moitié curieux et moitié insouciant « Les chiens du père Billot ont rudement hurlé cette nuit, et l'on a entendu deux coups de fusil derrière la ferme. Ce fut tout. » Ah si, nous nous trompons. Lorsque le père Billot rentra, comme d'habitude, à 9 heures pour déjeuner, sa femme lui demanda « Dis donc, notre homme, où est Catherine? Sais-tu, Catherine ?» répondit le fermier avec un effort. L'air de la ferme était mauvais, et elle est partie pour aller en Sologne chez sa tante. « Ah ! » fit la mère Billot, « et y restera-t-elle longtemps chez sa tante ?»« Tant qu'elle n'ira pas mieux !» répondit le fermier. La mère Billot poussa un soupir et éloigna d'elle sa tasse de café au lait. Le fermier, de son côté, voulut faire un effort pour manger. Mais à la troisième bouchée, comme si la nourriture l'étouffait, il prit la bouteille de Bourgogne par le goulot, la vida d'un trait, puis, d'une voix rauque, « On n'a pas décelé mon cheval, j'espère » demanda-t-il. « Non, monsieur Billot, » répondit la voix timide d'un enfant qui venait, la main tendue, chercher son déjeuner tous les matins à la ferme. « Bien !» Et le fermier, écartant brusquement le pauvre petit, monta sur son cheval et le poussa dans les champs, tandis que sa femme, en essuyant de larmes, allait sous le manteau de la cheminée reprendre sa place habituelle. Et moins cet oiseau enchanteur, moins cette fleur riante qui, sous les traits d'une jeune fille, égaye et embaume les vieilles murailles, la ferme se retrouva, allée dès le lendemain comme elle avait été la veille. De son côté, Pitou vit se lever le jour dans sa maison d'Aramont. Et ceux qui entrèrent chez lui à 6 heures du matin le trouvèrent éclairé par une chandelle qui paraissait brûlée depuis longtemps, si l'on devait en croire sa mèche élancée, et mettant au net, pour l'envoyer à Gilbert, avec toutes les pièces à l'appui, un compte de l'emploi qui avait été fait des 25 louis que le docteur avait donnés pour l'habillement et l'équipement de la garde nationale d'Aramont. Il est vrai qu'un bûcheron dit l'avoir vu, vers minuit, portant entre ses bras quelque chose de lourd et qui avait l'air d'une femme, et descendant les rampes qui conduisaient à l'ermitage du père Clouis. Mais ce n'était guère probable, attendu que le père Lajeunesse prétendit l'avoir vu courant à toutes jambes vers 1 heure du matin sur la route de Boursonne, tandis que Maniquet, qui demeurait tout au bout du village du côté de Longpré, prétendit qu'à 2 heures ou 2 heures et demie, il l'avait vu passer devant sa porte et lui avait crié « Bonsoir, Pitou !» Politesse à laquelle Pitou aura répondu en criant de son côté « Bonsoir, Maniquet !» Il n'y avait donc point à douter que Maniquet n'eût vu Pitou à 2 heures ou 2 heures et demie. Mais, pour que le bûcheron eût vu Pitou aux environs de la pierre Clouise, portant entre ses bras et à minuit quelque chose de lourd et ressemblant à une femme, pour que le père Lajeunesse eût vu Pitou courant à toutes jambes vers 1 heure du matin sur la route de Boursonne, pour que Maniquet eût dit bonsoir à Pitou passant devant sa porte à 2 heures ou 2 heures et demie du matin. Il eût fallu que Pitou, que nous avons perdu de vue avec Catherine, vers 10 heures et demie ou 11 heures du soir, dans les ravins qui séparent le village de Pisseleu de la ferme de Noux, eût été de là à la pierre Clouise, c'est-à-dire eût fait 1 lieue et demie à peu près, puis fût revenu de la pierre Clouise à Boursonne, c'est-à-dire eût fait 2 autres lieues, puis fut revenu de Boursonne à la pierre Clouise, puis enfin fut allé de la pierre Clouise chez lui, ce qui supposerait que pour mettre Catherine en sûreté d'abord, pour aller prendre des nouvelles du vicomte ensuite, et après donner des nouvelles du vicomte à Catherine, il aurait fait, entre 11 heures du soir et 2 heures et demie du matin, quelque chose comme 8 ou 9 lieues. Or, la supposition ne serait pas admissible même pour un de ces coureurs princiers auxquels les gens du peuple prétendaient autrefois qu'on avait enlevé la rate. Mais ce tour de force n'eut à tout prendre que médiocrement étonné ceux qui avaient été une fois à même d'apprécier les facultés locomotives de Pitou. Néanmoins, comme Pitou ne dit à personne les secrets de cette nuit, il avait paru doué du don d'ubiquité, il en résulta qu'à part Désiré Maniquet, au bonsoir duquel il avait répondu, ni le bûcheron ni le père Lajeunesse n'eussent osé affirmer sous la foi du serment que c'était bien Pitou en personne, et non une ombre, un spectre, un fantôme ayant pris la ressemblance de Pitou, qu'ils avaient vu dans les fonds de la pierre Clouise et sur la route de Boursonne. Tant il y a qu'à 6 heures du matin, le lendemain, comme Billot montait à cheval pour visiter ses champs, Pitou était vu relevant, sans apparence de fatigue ni d'inquiétude, les comptes du tailleur du Leroy, auxquels il adjoignait, comme pièce probante, les reçus de ses 33 hommes. Il y avait encore une autre personne de notre connaissance qui avait assez mal dormi cette nuit-là. C'était le docteur Rénal. À 1 heure du matin, il avait été réveillé par le laquais du vicomte de Charny qui tirait sa sonnette à toute volée. Il avait été ouvrir lui-même, comme c'était l'habitude, quand retentissait la sonnette de nuit. Le laquais du vicomte le venait chercher pour un accident grave arrivé à son maître. Il tenait en main un second cheval tout scellé afin que le docteur Rénal ne fût point retardé un seul instant. Le docteur s'habilla en un tour de main, enfourcha le cheval et partit au galop, précédé du laquais marchant devant lui comme un courrier. Quel était l'accident? Il le saurait en arrivant au château. Seulement, il était invité à prendre ses instruments de chirurgie. L'accident était une blessure au flanc gauche et une égratignure à l'épaule droite, faite par 2 balles qui paraissaient du même calibre, c'est-à-dire du calibre 24. Mais de détails sur l'événement, le vicomte n'en voulut donner aucun. L'une des 2 blessures, celle du flanc, était sérieuse, mais cependant ne présentait nul danger. La balle avait traversé les chairs sans attaquer d'organes importants. Quant à l'autre blessure, ce n'était point la peine de s'en occuper. Le pansement fait, le jeune homme donna 25 louis au docteur pour qu'il gardât le silence. « Si vous voulez que je garde le silence, il faut me payer ma visite au prix ordinaire, » répondit le brave docteur, « c'est-à-dire 1 pistole. » Et prenant 1 louis, il rendit sur ce louis 14 livres au vicomte, lequel insista inutilement pour lui faire accepter davantage. Il n'eut pas moyen. Seulement, le docteur Rénal annonça qu'il croyait 3 visites nécessaires et qu'en conséquence, il reviendrait le surlendemain et le surlendemain de ce surlendemain. À sa seconde visite, le docteur trouva son malade debout. À l'aide d'une ceinture qui maintenait l'appareil contre la blessure, il avait pu, dès le lendemain, monter à cheval comme si rien ne lui fût arrivé. De sorte que tout le monde, excepté son laquais de confiance, ignorait l'accident. À la 3e visite, le docteur Rénal trouva son malade parti, ce qui fait que pour cette visite sans résultat, il ne voulut accepter qu'une 1/2 pistole. Le docteur Rénal était un de ces rares médecins qui sont dignes d'avoir de leur salon la fameuse gravure représentant Hippocrate refusant les présents d'Artaxerce.